Voici votre prévue récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord que c'était l'Assemblée générale hier de la traversée internationale du lac Saint-Jean et on a annoncé un déficit de 18 000 $ sur un budget annuel de 770 000 $. Lors de son allocution présentée hier, Mme Ginette Fortin, qui la présidente sortante en passant, a indiqué qu'étant donné que la campagne de financement n'était pas d'ordre provincial, ce qui explique en grande partie le déficit. Mais Mme Fortin estime que le déficit est beaucoup moins pire qu'anticipé en raison d'une gestion plus saine des dépenses et également des dépenses moins grosses que prévues. C'est Kim Privé, qui est une bénévole de longue date à la traversée, qui devient la nouvelle présidente de la traversée internationale du lac Saint-Jean, en remplacement de Ginette Fortin, qui, elle, demeure présidente ex-officier. On a des résultats préliminaires de la Corée du Sud, où se déroule actuellement la deuxième tranche de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste. Ça se déroule en Corée et à noter qu'au 500 mètres, Marianne Saint-Gelais a terminé au troisième rang avec un temps de 43 secondes et 931 centièmes. Cassandra Bradette, également de Saint-Félicien, est au septième rang avec un temps de 44 secondes et 727 centièmes. Maintenant, on a un résultat également qui nous provient du 1000 mètres et Cassandra Bradette a pris le 11e rang avec un temps de 1 minute 33 secondes et 83 centièmes. Et mettons 1500 mètres, Marianne Saint-Gelais a pris le 7e rang avec un chrono de 2 minutes 39 secondes et 952 centièmes. C'est Valérie Malta, ça va lui faire du bien, même si c'est un résultat seulement préliminaire, qui est en première place avec un temps de 2 minutes 23 secondes et 873 centièmes. On a parlé hier dans la section entrevue de DonRadioSport.com avec la nouvelle acquisition des Saguenayens, Joey Martel. Et Joey Martel, dans un premier temps, se dit quand même surpris d'avoir été échangé au Saguenayens de Chicoutimi. On va l'écouter là-dessus. Je courais un peu partout, mais je savais vraiment pas où j'allais aboutir en fin de compte. Puis je savais surtout pas que ça allait être aussi rapidement, je te dirais. Ça a été un petit peu un choc quand je me suis fait dire que j'avais été échangé au Saguenay de Chicoutimi, mais en bout de ligne, c'est sûr que je suis très content d'aboutir ici, puis j'ai très hâte de relever le défi de jouer avec les... Joey Rattel a bien aimé son premier match dans l'uniforme des Saguenay de Chicoutimi. Très positif, je te dirais, ouais. C'est ça, c'est sûr que, comme tu as dit, il y a toujours une période d'adaptation. Savoir aussi avec les nouveaux joueurs que tu vas jouer, tu es habitué avec d'autres joueurs, fait que là, c'est sûr que ça change, c'est différent parce que les joueurs se positionnent pas tout le temps de la même façon, pas de la même façon de jouer, mais c'est sûr que je te dirais que mon match d'hier a été très positif, des bonnes chances de marquer, puis avec les gars aussi, la chimie est déjà bonne, je pense, puis ça va être... Et dans un dernier temps, Joey Rattel mentionne que le fait de jouer sur la grande glace de Saint-Georges Vézina, il va beaucoup apprécier ce phénomène. J'aime bien ça déjà parce que je te dirais que c'est sûr qu'avec mes capacités offensives, okay. Ça l'aide de pouvoir jouer sur une grande glace de même, plus d'espace, plus de temps, être capable avec de la vitesse de faire plus de jeux. Fait que c'est sûr que j'aime vraiment ça à date, là, je te dirais. Okay. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans le Bantam A, dans la Ligue Simplette. Et ça se déroulait d'abord avec nos équipes de Dolbeau-Mistassini. Et les Loups en ont mangé toute une hier. Ils ont perdu 11-1 dans le match contre la formation de Saint-Amboise. Et ils ont perdu 5-0 contre les Aiglons d'Allemagne. Et Tomac de Massouillage a perdu 4-0 contre les Cougars de Chicoutimi. Je vous invite à écouter la section entrevue de DonRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec notre ami Bernard Barré. On sait qu'il y a un gros combat de boxe qui se déroule en fin de semaine et opposant le dernier combat de boxe de Bernard Hopkins. Jean-Pascal également se bat, de même que Berman Steven. Également, je me suis entretenu avec la nouvelle acquisition des Saguenayens, Joey Rattel. Jason de la Jeunesse vient nous parler des sabres de Robert Val. Et vous pouvez également écouter d'autres entrevues dans la section entrevues de DonRadioSport.com. Sport local et régional, à DonRadioSport.com, la référence du sport, on s'en occupe.